Thank you. Pascal Léger vous lâche 2 heures de mix sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'Inox Electronic Festival. En direct de l'Inox Electronic Festival, en simultané sur Fun Radio. Fun Radio. We'll be right back. radio, en plein cœur de l'Inox Electronic Festival. C'est Sébastien Léger au platine. We'll be right back. platine. C'est l'Inox Electronic Festival en direct sur Fun Radio. Radio. En plein cœur de l'Inox Electronic Festival. C'est Sébastien Léger au platine. We'll be right back. Radio Los Angeles. Bonne soirée tout le monde, Party Fun jusqu'à 6h du matin. Et ce week-end, c'est la 6ème édition de l'Inox Electronic Festival en direct de la Dino Toulouse avec les meilleurs DJ au platine pendant 4 jours. Avec encore Martin Solveig, Steven Dillo, Jungle Back, Laurent Wolf ou encore David Guetta. David Guetta, tout à l'heure, entre 2 et 4 sur Fun Radio en direct de la Dino Toulouse pour l'Inox Electronic Festival. Et depuis minuit, c'est Sébastien Léger qui est au platine, minuit 2h. Sébastien Léger, l'Inox Electronic Festival jusqu'à 6h en direct et sur Fun Radio. Fun Radio, en direct de l'Inox Electronic Festival à Toulouse. We'll be right back. Sébastien Léger. En direct de l'Inox Electronic Festival, en simultané sur Fun Radio. Fun Radio. En direct de l'Inox Electronic Festival à Toulouse. 2 heures de mix sur Fun Radio. C'est Linox Electronic Festival. soir de son dance floor. La boîte est blindée. Depuis la dune de Toulouse, c'est l'Inox Electronic Festival 6ème édition. Jusqu'à dimanche soir sur Fond Radio, vous allez pouvoir vivre ces 4 nuits de malade. Hier soir, c'était David dans l'état, Pitong et Antoine Camaran. Demain, il y aura entre autres Martin Solveig, Sébastien Ingrosso, Steve Angelo. Il y aura également John Dalbach, ça c'est pour dimanche. Encore du gros son, un gros programme qui arrive pour cette nuit. Sacha et Johnny Guid à 4h. 2h, 4h, ça sera David Guetta. À ne pas louper d'ici une petite demi-heure, David Guetta au platine de l'Inox. Et évidemment, en simultané sur Fond Radio, David Guetta dans une petite demi-heure. Et depuis minuit, c'est Sébastien Léger, minuit 2h, Sébastien Léger en direct de l'Inox Electronic Festival. Sébastien Léger vous lâche 2h de mix sur Fun Radio. C'est l'Inox Electronic Festival. Electronic Festival en simultané sur Fun Radio. Fun Radio. I'm Let's Radio, en direct de l'Inox Electronic Festival à Toulouse. De la Sundance Soir, comme l'a dit la voix, en direct de l'Inox Electronic Festival à Toulouse pour cette 6ème édition avec Sébastien Léger depuis minuit. Dans un instant, ce sera David Guetta qui le remplacera au platine de l'Inox Electronic Festival. David Guetta à suivre sur Fun Radio, ce sera jusqu'à 4h du matin à peu près, 4-5 Sacha et Johnny Guid. Demain il y a Martin Solveig, il y aura Sébastien Ingrosso, il y aura Steve Angelo. Dimanche ce sera Laurent Wolf, ce sera John Dalbach, ce sera Axwell. Un gros programme, 4 jours l'Inox Electronic Festival à suivre évidemment jusqu'à 6h du matin sur Fun Radio. David Guetta dans moins de 5 minutes au platine de l'Inox Electronic Festival sur Fun Radio.